Aujourd'hui, je sais que je ne fais rien dans le vide, car vous êtes ma raison de vivre. Aujourd'hui, je sais que j'ai changé vos vies et vous la mienne aussi. Qui pourrait m'empêcher de suivre ce chemin? Qui pourrait m'empêcher de vivre mon destin? Aujourd'hui, je vais continuer avec vous dans ce monde plein de jaloux. T'offrir ce que j'ai, qui pourrait m'empêcher de dire merci à jamais? Oh, vous avez toujours été présent à mes côtés, je ne vous oublierai jamais. Oh non, je ne cesserai de vous remercier. Qu'il vente, qu'il neige.